danse d'un décor à l'oubli, peut-il encore y pousser la vie sans bleu ni haine? Sors de ta promesse, j'ai compris un jour que même les plus purs s'effacent. Ma vie s'écrit sans ton aide sur mon île qui parle d'elle. Mes nuits sans toi qui parle d'elle, celle que tu vois qui parle d'elle. Même si l'envie d'être à toi s'est enfuie, je veux placer mon amour à l'abri, j'oublie. Donne-moi des raisons, des mots qui fassent qu'il y ait un remède aux blessures du temps qui passe. D'un décor en oubli, je veux placer mon amour à l'arbre.